ça forge l'homme, La rue ça forge l'homme, Monsieur devient un commercial. C'est grâce à lui que chaque seconde sur terre fait qu'une de nos mères chiale. Mais la rue c'est quoi? Pour certains une banque, pour d'autres un toit. Un pas dans le bise, une femme dans le gouffre, un gosse sans papa. Toi t'as rien saisi, oublie t'es pas le boss de la rue. Juste de la voix, de la ruse, de ma foi. Pas dur de voir que le dollar ruse. Quand ça squatte l'asphalte pour palper le billet, ça court pas pour le frigo et la bouffe, mais ça galope pour pas se faire griller. Bah ouais tu pèses, tandis que ta soeur t'a fait confort à main. Toi t'as le confort à max, assis sur ton banc, la constance amasse. Pendant que ta mère qui est seule n'a que des pilules à se foutre au cœur, elle gratte les sols, mais toi jamais tu rates les soldes à foutre le cœur. 100 fois se foutre en l'air, 100 fois se faire la malle. Mais sans thune tu vas où? Tu vas où quand tout va mal? Toi tu vas bien, mais tu sais même pas s'ils sont, s'ils ont. Moi je sais que j'ai mère, terre, vinyle son. Et puis fini le songe, j'ai les paupières qui clignent, les larmes qui montent, le sang qui chauffe, y'a rien de tout ça qui cligne. Ce morceau c'est pour les ombres de femmes qu'on voit derrière les volets. Faut avouer c'est trop laid, y'a trop de peine qu'on peut plus contrôler. Mais qui pourrait me dire comment? Tes larmes de sang se versent, tes larmes de tristesse je verse. Le poids de tes actes parfois me poignarde et je garde cette plaie profonde enfouie en moi. En fuyant le mal qui sur nous s'acharne, n'épargne pas et s'attarde. À l'image de ton ombre, souffrant en silence. Et si je laisse tourner les pages de ta vie, je lis des sales récits hélas, des traces. Indélébile dessine sur mon visage ta détresse. Le temps efface peu à peu le peu de bonheur. Ton absence sonne si bien avec ma souffrance, mon malheur, mon âme pense. Et je retiens chaque jour un peu plus mes pleurs. Y'a pas de sens souvent dans ce que les miens font. Ma douleur c'est de savoir sans pouvoir rien faire à mes proches de la peur. Ma frayeur c'est de jamais voir avec toi des jours meilleurs. Vivre au présent le temps pressant sans aller nulle part ailleurs. Derrière chaque homme une femme souffre. Quand ton destin te pousse dans le gouffre, j'étouffe. Emprisonné, rêve empoisonné, rempli de souffre. Eh bonhomme, à chaque fois que tu mens, c'est moi qui souffre. À chaque fois que tu me trahis et que je l'apprends, c'est moi qui souffre. À chaque fois que tu me dis je suis dans la merde, c'est moi qui souffre. À chaque fois que tu me délaisses, j'ai peur de te perdre, c'est moi qui souffre. À chaque fois que t'assumes pas d'être père, c'est moi qui souffre. À chaque fois que tu me fais croire et que j'espère, c'est moi qui souffre. Derrière chaque homme une femme souffre, et cette fois c'est moi qui souffre. Et pourtant je t'aime, je te soutiendrai jusqu'à ton dernier souffle. Mais qui pourrait me dire comment? Moi mes larmes coulent quand tu me brises le cœur. Je suis celle qui te met au monde, mais de voir comme tu méprises mes cœurs. Je suis une femme forte, mais malgré tout mon homme pleure. Derrière chaque homme se cache une femme quand elle est sèche pour raviver la flamme. Je cache mes faiblesses, devant l'homme je monte ma rage. Le rap un taf de mec, c'est ce qu'ils disent donc je monte ma hargne. Pas le temps de polémiquer sur ces histoires de sexe. Ces meufs au sexe faible te demandent ce que tu préfères, ta femme ou le manche. En revanche, celle qu'il faut craindre c'est la rue. Elle sait tuer, garde ses proies, jusqu'à ce qu'elle soit repue. C'est qu'il y a de quoi se plaindre dans ce monde. Pour réussir, je me donne les moyens. Non pas que jalouse les autres, mais ils ont tout, alors et moi, c'est triste à dire, mes larmes coulent, j'en perds mon rimel. Je tape pour mes projets, pas pour qu'on se dise comment elle rimait. Derrière chaque homme se cache une femme qui pleure. On reste passive, on encaisse, v'là d'où vient la douleur. Ce monde prend des couleurs, plutôt sanguinaire, larmes et douleurs. Ce qui règne chez nous, l'amour, notre source de chaleur. Je sais bien que s'il baisse les bras, je ferai la risée des autres. Je me bats pour toutes les femmes, ce combat c'est le mien, mais aussi le vôtre. Je me bats pour toutes les femmes, ce combat c'est le mien, mais aussi le vôtre. Qui pourrait j'ai trop pleuré.